Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers auditeurs de la radio Al-Muntada Salafi. Ça, c'est une conférence qui a pour titre le mois de Rajab entre l'obéissance et l'innovation. Avec notre frère bien-aimé Abu Abdullah Taslim Ayallo, Hafidahullah Ta'ala, Faliyatafaddal. Mashkouran wa ma'jura. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi jalla wa ala وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياذا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد السير أن الله سبحانه وتعالى أفريك نزعين فعل الله الله تبارك وتعالى إك نزعين وكيف البروفة محمد عليه الصلاة والسلام نزعين تستون كفرصون لمريد ديتر عدوري عن بريتيك الله سبحانه وتعالى إنه ذات استون كلا بروفة محمد عليه الصلاة والسلام كسان مساجد الله سبحانه وتعالى كسان سربتر الله تبارك وتعالى كن دعا فعدوري مأوسي سان مساجد الله سبحانه وتعالى كي لسكي نزين فرمال يران وريديك إي لسكي نزور دون اللبي إي لسكي نزين تردي أنسان بريدر مفرد سر أن الله سبحانه وتعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه. أفرز سر أن الله سبحانه وتعالى ربكن سي أنسي كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكرنا الله سبحانه وتعالى دان ذكاشي دان لبارا كار سر سلوك كرين الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لبالو بريزر بي الله سبحانه وتعالى باقيته سيبا دان توس دان قوى يصن بيان دان سبامون دان توس دان قوى يرسن بيان في الآخرة. أفرز سر أن الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الزمان فجعل السنة 12 شهرا وميز منها 4 أشهر جعلها حرما قال ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم افرض سرنا الله سبحانه وتعالى سسكنت سنير الله تبارك وتعالى Il a créé le temps. Il a fait que ce temps est composé de 12 mois. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi par son mérite 4 mois parmi ces 12 mois. Il a fait de ces 4 mois comme étant des mois sacrés. C'est pourquoi Allah Zawajalla nous dit dans le verset, il dit certes le nombre de mois auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est au nombre de 12. Yani est au nombre de 12 mois. Et cela est prescrit dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, yani dans les tablettes préservées. Et ceci depuis qu'Allah Zawajalla il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces 12 mois, Allah Zawajalla a fait qu'il y a 4 parmi ces 12 mois qui sont des mois sacrés. Et ceci, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la religion de droiture, qui est la religion droite. Allah Zawajalla il nous interdit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne vous faites pas des injustices. Yani ne faites pas injustice à vos propres âmes. Wa thabata fi sahihayni an Abi Bakr radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الهجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان نفرز سر أن الله سبحانه وتعالى سيوسي في ميدان لدوزو تنتيك إيه حديث كايت بريد سو كومبانيون Abu Bakr radiyallahu anhu qu'Allah Zawajalla l'agré il rapporte cela du prophète alayhi salatu wassalam que le prophète au cours de son pèlerinage d'adieu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-nahar yani le jour yani de la fête de Tabaski le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce pèlerinage il avait fait un sermon dans lequel il a montré il dit inna zamana qad istadara il dit certes le temps a fait une tournure jusqu'à ce que le temps est venu sur la forme que hayatihi sur la forme comme cette forme yawm khalaqallahu as-samawati wal-ard yani la première forme qu'Allah Azza wa Jalla a fait Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le temps, il a fait que le temps est composé de 12 mois. Maintenant, vu que les Arabes, avant la venue de l'islam, ils avaient pour comportement le fait de mélanger entre les mois. Ils prenaient certains mois qu'Allah Zawajal avait rendu sacrés, ils rendaient ces mois comme étant des mois non sacrés. Ils prenaient d'autres mois qu'Allah Zawajal n'avait pas rendu sacrés, ils rendaient ces mois comme étant des mois sacrés. Ils faisaient cette rotation au niveau des mois, tout en contredisant la manière dont Allah Zawajal a créé le temps. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmati, il a fait que cette année au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le pèlerinage, Allah Zawajal a fait que cette année a coïncidé à une année à laquelle les mois sont venus comme Allah tabaraka wa ta'ala les avait créés. C'est-à-dire le tartib sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les mois, il a fait que les mois débutent de tel mois, après tel mois, c'est tel autre mois qui vient. Cette manière dont Allah Zawajal a mis les mois, que ce soit dans l'état des préjetés, et que ce soit dans sa création, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Zawajal a fait que les Arabes, au cours de leur tournure avec les mois, cette tournure a coïncidé au pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la tournure que les Arabes ils ont mis en place était en pleine conformité avec ce qui vit, yani prescrit par Allah tabaraka wa ta'ala, yani dans l'état des préservés. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a profité de cette occasion pour informer inna zamana qad istadar. Il dit certes le temps a fait une tournure jusqu'à ce que ce temps est venu sur la tournure, sur la forme qu'Allah Zawajalla a créée depuis qu'Allah Zawajalla a créé les cieux et la terre. Il dit as-sanatu isna ashara shahra. L'année est composée de 12 mois. Maintenant parmi ces 12 mois, Allah Zawajalla a fait qu'il y a 4 mois qui sont des mois sacrés. Les 4 mois là aussi sont composés comme tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 mois qui sont enchaînés. Ces 3 mois qui sont enchaînés ne sont autres que quoi? Dhul Qa'ada, Dhul Hijja, Wal Muharram. Yani le mois qui précède le mois du pèlerinage, et le mois du pèlerinage, et le mois Al Muharram. Ces 3 mois sont des mois qui sont enchaînés. Allah Zawajalla a fait que les 3 mois enchaînés là, ce sont des mois qui sont des mois min al-ashurul ayani al-hurum. On va venir dans la hikma devant. Allah Zawajalla, il a fait aussi qu'un autre mois qui correspond à l'ambiani au milieu de l'année, qui est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa rajabu mubar, et aussi le mois de Rajab qui est annexé à la tribu qu'on appelle mubar. Les ulama disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annexé ce mois à cette tribu parce que cette tribu faisait partie des tribus qui donnait de plus de particularité à ce mois de Rajab. Les ulama disent que le mois de Rajab, il a été appelé Rajab provenant du terme ce qu'on appelle at-targhib. Wa at-targhib huwa at-ta'zim. Vu qu'à l'arabe fil jahiliya, ils donnaient de l'estime et ils donnaient de l'énormité à ce mois, ils l'ont appelé le mois de Rajab. Et parmi les communautés qui donnaient de plus de l'estime et qui faisaient de plus de particularité à ce mois, c'était le tribu de Mubar. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annexé ce mois de Rajab à cette tribu qui s'appelle Mubar. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il dit « wa rajabu Mubar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban ». Il dit ce Rajab qui est annexé à la tribu de Mubar, ce Rajab qui se trouve entre les deux mois, « bayna Jumada wa Sha'ban », entre le mois de Jumada, yani al-Jumada al-Thaniya, et Sha'bana, le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous explique que l'année est composée de 12 mois. Et que dans ces 12 mois, ce sont des mois qui ont de l'estime auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah zawajalla, par sa sagesse, il a choisi 4 mois. Il a fait de ces 4 mois comme étant des mois sacrés. Dans lesquels Allah zawajalla, il a interdit à ce qu'il y ait des combats. Dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à ce qu'il y ait d'injustice. Les ulama, ils disent, Allah zawajalla, il a interdit l'injustice dans tous les mois, mais il a particularisé ces 4 mois dans le sens une injustice qui est effectuée en dehors de ces 4 mois est certes un péché, est certes une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque cette injustice elle est effectuée dans ces 4 mois, l'énormité et la gravité du péché augmentent. C'est pourquoi Allah Zawajalla, il a fait qu'il y a des endroits, il a interdit la désobéissance dans tous les endroits, mais celui qui désobéit à Allah Zawajalla dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, sa désobéissance augmente et sa désobéissance prend de la gravité plus que celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre endroit qui n'est pas cet endroit. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, mais Nabi qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le verset, il dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, il ne faut pas vous faire des injustices, yani dans ces mois Ashhur, yani al-Haram. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, وقال ابن Abbas radiallahu anhuma في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كلهن يعني في كل أشهر السنة ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم ولا عمل الصالح ولا أجر أعظم الله عز وجل الله سكين دي دون بانو فير دي زنزستيس وكور دي سموا الله سبحانه وتعالى سرت انتر دي زنزستيس dans toute l'année, mais il a rendu de façon particulière que lorsque l'injustice est posée dans ces quatre mois, l'injustice prend encore plus d'ampleur et prend encore plus de gravité. فهذه شهور أربع حرمها الله عز وجل وحرم فيها القتال ليسير زوار بيت الله الحرام إليه آمنين فجعل ثلاثة أشهر من أجل الحج وجعل شهر رجب الفرض في نصف العام من أجل أن لا يخلو البيت من الزائرين. Certains ulama disent, Allah Azza wa Jalla il a fait que parmi ces quatre mois aussi, il a choisi trois mois. Il a fait que ces trois mois sont des mois qui sont enchaînés. Les ulama disent, min ajli al-hajj, c'est à cause du pèlerinage. Parce que le mois qui précède le mois du pèlerinage, ça permet aux pèlerins de pouvoir se déplacer pour aller vers la Mecque. Et le mois qui suit le mois de pèlerinage permet aux pèlerins de se déplacer et de revenir vers leur localité de base. Et ces trois mois, il y en a le mois de déplacement, le mois d'effectuement de pèlerinage, et le mois qui vient après le mois de pèlerinage, ces trois mois ont été rendus des mois de Hurum. Pourquoi? Par le tout simple fait, parce que c'est des mois dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est de ces mois, il a fait ces mois comme étant des mois de Hurum, à cause pour que les visiteurs de la maison sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils puissent se déplacer et ils puissent effectuer le pèlerinage et retourner ses yeux dans les bons noms. Et Allah Azza wa Jalla, il a choisi un autre mois au cours de la moitié de l'année comme étant le mois de Rajab. Il a fait ce mois-là aussi comme étant un mois sacré. Les ulama ils disent, certains ulama ils disent que cela pour que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala ait toujours des visiteurs après que ces trois mois de pèlerinage, les gens sont venus visiter la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala il a choisi aussi au milieu de l'année pour que d'autres aussi puissent venir yani visiter la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit maintenant quant à ce qui concerne Allah Azza wa Jalla lorsqu'il nous interdit l'injustice, les ulama ils ont parlé de plusieurs formes de l'injustice. Parmi ces formes d'injustice, فَلَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ بِالشِّرْكِ وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَلَا يَظْلِمُهَا بِالْبِدْعَةِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ وَلَا يَظْلِمُهَا بِالذُّنُوبِ فَإِنَّهَا ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ وكذلك لا يظلمها ولا يظلم عباد الله سبحانه وتعالى لسكن الله سبحانه وتعالى interdit l'injustice au cours de ces mois. Il y a là premièrement l'interdiction à ce qu'une personne fasse l'injustice par la plus grande forme d'injustice qui n'est autre que le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc parmi les injustices qui sont interdits dans toute l'année mais de façon particulière au cours de ces mois sacrés, il y a le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement aussi, il nous est interdit de faire de l'injustice dans le sens d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en évidence que le fait d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'est autre que de l'égarement. Et aussi parmi les injustices qui nous sont interdits au cours de ces mois sacrés, qui sont à la base interdits au cours de tous les mois de l'année, mais dont l'interdiction prend de l'ampleur au cours de ces quatre mois, il y a le fait de se faire l'injustice par sa propre âme, dans le sens de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, par toute forme de désobéissance. Et il y a aussi des injustices qui sont interdits, le fait de faire l'injustice à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il nous a interdit de faire l'injustice bishirk, wa kadhalika il nous a interdit de faire l'injustice bilbida, wa kadhalika il nous a interdit de faire l'injustice bilzunub, wa kadhalika il nous a interdit de faire al-zulm, yani bi ibadillahi tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah yuhal mu'minun, إن شهر رجب شهر كانت يعني تؤذمه العرب في الجاهلية وتخصه بأعمال من صيام ومنها ذبيحة يقال لها العتيرة أو الرجبية فلما جاء الإسلام أثبت يعني الإسلام أثبت حرمة الشهر وأبطل تخصيصه بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. رواه البخاري في الصحيح. نفرد سرنا الله سبحانه وتعالى سموار رجب dans lequel nous sommes était un mois qui fut glorifié par la communauté des Arabes dans la période qui yani dans la période pré-islamique. Les Arabes ont donné de particularités à ce mois dans le sens qu'ils faisaient des adorations, parmi lesquelles ils faisaient, que ce soit des immolations, ils faisaient du jeûne, ils faisaient plusieurs adorations au cours de ce mois. Maintenant, parmi les immolations qu'ils faisaient, ils faisaient une immolation particulière au cours de ce mois qu'ils appelaient Al-Atira. وكذلك certains parmi eux les appellent Al-Rajabiyya, yani une immolation qui est particulière au mois de Rajab. Maintenant, lorsque l'islam est venu, l'islam a pris deux choses en compte. Premièrement, vu que ce mois était un mois qui fut sacré chez les Arabes, l'islam a affirmé la sacralité de ce mois. Mais aussi, l'islam a annulé toute particularisation de ce mois par toute forme d'adoration. C'est pourquoi l'islam jama'a bayna amrayn, premièrement le fait d'affirmer que ce mois c'est un mois sacré, et deuxièmement le fait de nier toute particularité qu'on puisse donner à ce mois comme étant des formes d'adoration. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la fara'a wa la atirata. Il n'y a pas al-fara', il n'y a pas al-atira. Les ulama ils disent al-fara', c'est une habitude qu'avaient les al-jahiliya. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes au cours de la période de la jahiliya? Ils prenaient yani lorsque la première naissance d'une chamelle, ils donnaient cela en immolation. Et lorsqu'il faisait cela en sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu par l'islam, il a aboli cela. Et aussi, il faisait aussi une autre immolation qui était ce qu'on appelle Al-Atira, qui était une immolation qu'il faisait pour donner de l'estime au mois de Rajab, à l'arrivée du mois de Rajab. C'est pourquoi les ulama ils disent, les gens aujourd'hui parmi la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam, par méconnaissance de la religion, ils ont voulu imiter ces gens de la période pré-islamique parce qu'ils ont de l'ignorance au cours, yani ils ont de l'ignorance concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela les a poussés, ils ont innové plein d'innovations, ils ont pris de l'estime, vu que là, ce mois c'est un mois sacré, mais ils ont voulu par cela se ressembler à des gens qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était venu abolir toute adoration qu'on pouvait donner à ce mois qui est un mois certes qui est sacré, mais qui ne doit pas à ce qu'on le donne une particularité dont Allah Azzawajalla ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné. C'est pourquoi les mashaykh ils nous disent وَقَدْ أَحْدَثَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي شَهَرِ رَجَبَ بِدَعًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ وَمِنْ هَذِهِ الْبِدَعْ مَا أَحْدَثُوهُ فِي أَمْرِ الصِّيَامِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِهِ الثَّلَاثِ الْأُولَى أَوْ صِيَامِ نِصْفِهِ وَبَعْضُهُمْ يَصُومُونَ كُلَّهُ وهذا مما لم يثبت فيه دليل صحيح. وكان عمر بن الخطاب يأمر الصائمين في رجب بالأكل ويقول ذاك شهر كانت تعظمه الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie des adorations qui furent innovées au cours de ce mois. Il y a le fait de particulariser ce mois par une forme de jeûne. Certains d'entre eux, ils jeûnent les trois premiers jours de ce mois. Et certains, ils jeûnent la moitié du mois. Et certains, ils jeûnent tout le mois de Rajab. Et cela, toutes ces formes, que ce soit le fait de particulariser le début ou la moitié de Rajab, ou de particulariser l'ensemble du mois de Rajab par le jeûne, ça c'est une forme d'adoration dont il n'y a pas eu de preuve authentique, que ce soit dans le livre d'Allah ou que ce soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il voyait les gens jeûner le mois de Rajab, il les ordonnait de manger. Bal il fut rapporté de lui, Omar ibn Khattab, qu'il arrivait à ce qu'il frappe certains parmi eux. Qu'est-ce que Omar dit? Il dit ceci, certes c'est un mois qui était glorifié par les gens de la pré-islamique, mais lorsque l'islam est venu, cette glorification fut délaissée. C'est pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous dit, quant au fait de gêner le mois de Rajab, de façon particulière, les hadiths qui sont venus dans ce sens, tous ces hadiths, ce sont des hadiths qui sont faibles. bal c'est des hadiths qui sont mentis, yani qui sont inventés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aucun parmi les gens de la science ne prend compte de ces hadiths. Bal, ces hadiths, ce ne sont pas de cette forme de faiblesse que les hadiths peuvent avoir, et que même si les hadiths là sont faibles, qu'on puisse les rapporter dans ce qui concerne Fada'il al-A'mal. Mais le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bal, il dit la généralité de tous ces hadiths qui sont venus montrer de l'estime, qui sont venus donner de la valeur au fait de gêner le mois de Rajab, la généralité de ces hadiths, c'est des hadiths qui font partie de ce qu'on appelle al-mawdu'at ou al-maktubat. Yani, c'est des hadiths qui sont inventés et qui ont été formulés pour les annexer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il en qu'al Sahha anna ibn Umar et anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kana yadribu aidi an-nas liyadu'u aidiyahum fi at-ta'am fi Rajab wa yaqulu la tushabbihuhu bi Ramadan. Il a été authentique que Omar ibn Khattab, il arrivait à ce qu'il frappait la main de ceux qui gênaient le mois de Rajab, et il les disait, mettez vos mains dans le manger, yani consommez la nourriture. Et qu'est-ce que Omar ibn Khattab, il les disait? Il dit, la tushabbihuhu bi Ramadan. Ne ressemblez pas à ce mois, certes c'est un mois sacré, mais ne ressemblez pas au mois de Ramadan, dans le sens que vous gênez une bonne partie de ce mois, ou vous gênez l'ensemble de ce mois. Deuxièmement, wa mimma ahdathuhu fi amri. يعني الرجب مما يتعلق بأمر الصلاة حيث أحدثوا صلوات تصلى في أول الشهر وصلوات تصلى في منتصف الشهر وصلوات تصلى في أول ليلة جمعة من الشهر. Parmi les choses qu'ils ont innovées concernant ce mois de Rajab, il y a le fait qu'ils ont particularisé le mois de Rajab par des prières qui sont particulières. Il y a des prières qu'ils prient au début de ce mois. Il y a des prières qu'ils ont inventées au milieu de ce mois. Il y a des prières qu'ils ont faites pour le début bal, pour la première Jum'a de ce mois de Rajab. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد سئل عن صلاة الرغائب وهي صلاة يفعلونها في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والإشاء أو بعد الإشاء هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟ فقال رحمه الله تعالى هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار مشتملة على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين للخزالي ونحوهما من الكتب فإنها بدعة باطلة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وقد أمر الله عز وجل عند التنازع بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله جل شأنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات والمخطئين انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى افرد سر عن الله سبحانه وتعالى إليا parmi ceux qui ont innové concernant ce mois de Rajab une forme de prière qui est une forme de prière qui est particulière, qu'ils appellent Salatul Raghaib. Et l'un des imams de cet islam, qui est Imam al-Nawawi, qui est l'auteur du livre Arba'un al-Nawawi, wa kadhalika le livre Riyad al-Salihin, et plein d'autres livres, cet imam, on lui a demandé concernant cette prière, la prière de Salatul Raghaib. C'est une prière qu'ils font au début, yani au cours de la première nuit, yani de la nuit du premier Jum'a de ce mois de Rajab, yani le premier Jum'a qui vient au cours du mois de Rajab, la nuit de ce Jum'a, ils font une prière bain al-Maghrib wal-Isha. Certains ulama ils disent non, ça se fait après le Isha. Ils le font d'une façon très particulière. Maintenant, il a été demandé à l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, on lui a demandé est-ce que cette prière c'est une sunna, et est-ce que cette prière c'est une forme, yani c'est une fadila, ou bien c'est une chose qui est innovée. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit certes, cette prière, c'est une innovation. C'est une innovation qui est laide. C'est une innovation qui est mauvaise. Bal, c'est une innovation qui est très mauvaise. parce qu'elle comporte des choses qui sont mauvaises et il incombe le fait de délaisser, yani il est obligatoire de la délaisser, il est obligatoire de s'en détourner et il est obligatoire de réprimander celui qui fait cela. On ne faut pas se tromper par le fait qu'il y a beaucoup qui le font. Il ne faut pas aussi se tromper par le fait que cette prière a été dictée dans certains livres, comme le livre qu'on appelle Qoub al-Qulub, ou bien le livre Ihya ul-Umiddin, et autres que ces deux livres. Parmi les livres dans lesquels on a cité cette prière, on lui a donné de l'estime. Bal, cette prière, c'est une innovation qui est fausse. Bal, il a été authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui innove dans notre religion, ce qui ne fait pas partir, cette chose sera répliquée à cette personne, cette chose sera retournée à cette personne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui œuvre une œuvre qui n'a pas été ordonnée, yani qu'on n'a pas ordonnée, cette œuvre-là sera retournée. Donc, celui qui innove, d'innovateur, on va retourner. Wa kadhalika, même si la personne n'a pas innové, si elle vient œuvrer une œuvre qui a été innovée par un autre, wa kadhalika, cette œuvre aussi sera retournée à la personne. Et certes, on sait que yawm al-qiyama, si Allah Zawajalla ne prend pas une œuvre, quelle que soit la grandeur de cette œuvre, si cette œuvre est retournée à la personne, certes, cela ne sera pas un profit pour cette personne, bal ce sera une perte et un regret. Nasallallahu salamata wa afia. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, il dit kullu bid'atin dhalala, toute innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes de l'égarement. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a ordonné que lorsque on dispute, lorsqu'on a des divergences, tout simplement de ne pas ramener les divergences vers les raisons, de ne pas ramener les divergences vers nos passions, bal de ramener les divergences vers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit, lorsque vous divergez sur une chose, ramenez ce sujet à Allah tabaraka wa ta'ala, yani au livre d'Allah, et ramenez ce sujet au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était vivant, on partait le trouver pour le demander, et après sa mort, on ramène cela à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela, si certes vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala, et que vous croyez au jour dernier, yani parmi les signes qui montrent que certes vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala, et vous croyez au jour dernier, le fait que lorsque vous vous disputez, vous ramenez cela au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est l'une des paroles de l'une des éminences de cette religion, qui est autre que Imam al-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a. C'est pourquoi Imam al-Nawawi dit, Allah Zawajalla dans ce verset, il ne nous a pas ordonné de suivre des ignorants, il ne nous a pas ordonné de se faire tromper par les gens qui se trompent, ou bien par les gens qui mélangent, ou bien par les gens qui font des erreurs. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. ومن البدع عباد الله il fait partie aussi des innovations qui furent innovées au cours de ce mois de Rajab. الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وقراءة قصة المعراج وقراءة قصة المعراج وإعداد الولائم في تلك الليلة والاجتماع في المساجد وغير ذلك من الأفعال التي تشعر بتعظيم تلك الليلة. Parmi les innovations qui furent innovées concernant ce mois, il y a le fait que les gens, ils ont créé une fête. Qu'ils ont créé une fête concernant la nuit de l'ascension. La nuit dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle l'Isra wa al-Mi'raj. Il a fait l'ascension vers le ciel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuit dans laquelle Allah azawajalla a prescrit les prières obligatoires au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi, ils ont prédit, ils ont prétendu que cette nuit, l'aylat al-Isra wa al-Mi'raj, et certes dans le mois de Rajab, et aussi cette nuit n'est autre que la 27e nuit, yani du mois de Rajab. Yani la nuit du 27 du mois de Rajab. C'est pourquoi ils ont particularisé ce mois par en faisant des fêtes. Ils ont particularisé ce mois en racontant, yani les contes et l'histoire de Al-Mi'raj. Ils ont particularisé pour faire des fêtes, ils ont fait des cérémonies, ils ont préparé. Ils ont réuni les gens dans les mosquées et ils ont fait autre chose que cela pour montrer que ce mois-là, bal cette nuit, c'est une nuit qui est particulière. Et c'est pourquoi certains ulama, parmi lesquels on a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah dit, bal Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, wala yu'rafu an ahadin min al-muslimina annahu ja'ala li laylat al-isra'i fadilatan ala ghayriha la siyama ala laylat al-qadr wala kana as-sahabatu والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من العمر ولا يذكرونها. وقال أيضا رحمه الله تعالى هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها تعرف عينها بل النقول في ذلك منقطئة مختلفة ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص ليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء ولا بقيام ولا بغيره سبور كما فريد سر أن الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إدي سنا بايت كوني دوكان فرمي لمي ظلما il veut parler d'aucun parmi les musulmans et ni d'aucun parmi les savants de la religion islamique. Le fait de donner à cette nuit, qui disent que c'est la nuit de l'ascension, de donner à cette nuit un mérite sur autre nuit que celle-ci, ou à plus forte raison, de donner à cette nuit un mérite plus que la nuit de destin. Bal, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et والتابعون وكذلك les suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui les ont suivis dans la perfection ceux-là ils n'ont pas pris une particularité pour cette nuit quelle que soit une forme de particularisation par aucune forme de particularisation bal cette nuit n'a même pas été rapportée d'eux à plus forte raison de parler de ses mérites c'est pourquoi Cheikh l'Islam dit ça c'est dans la condition qu'on connaissait quelle était la nuit de l'ascension. On connaissait que oui, c'est telle nuit qu'est la nuit de l'ascension. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qui fut rapporté concernant la nuit de l'ascension, c'est des choses qui n'ont pas, yani c'est des scènes de transmission qui n'atteignent pas leur rapporteur. Donc, c'est des scènes de transmission qui viennent diverger entre elles, et c'est des choses, il n'y a aucune preuve dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur laquelle on puisse s'appuyer pour avoir la certitude que la nuit de l'ascension fut dans tel mois, ou que la nuit de l'ascension fut dans tel dixième, ou que la nuit de l'ascension fut dans telle nuit. Subhanallah. Si on ne connaît même pas dans quel mois réellement il y a eu la nuit de l'ascension, on ne connaît même pas dans quel dixième il y a eu la nuit de l'ascension, à plus forte raison de connaître dans quelle nuit il y a eu la nuit de l'ascension, tout cela nous montre en évidence que cette nuit n'est pas une nuit à laquelle l'islam a donné une adoration. Regardez, mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, concernant le Maulid, par exemple, quand vous prenez l'anniversaire du prophète alayhi salatu wa salam, vu que le jour du lundi, c'est un jour qui a de l'adoration par laquelle on adore Allah tabaraka wa ta'ala, ce jour-là fut connu par la communauté du prophète. Ce jour-là, il n'y a pas eu de divergence pour lui. Vu que le jour de la naissance, yani le jour de l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un jour à laquelle est lieu des adorations, Allah a fait que ce jour-là n'a pas été connu, bal les gens ont divergé concernant ce jour. C'est pourquoi quand vous regardez aussi le Kazarika Fichari Rajab, concernant la nuit de l'ascension, vu que cette nuit n'a pas une particularité, cette nuit n'a pas une adoration qui est particulière, Allah a fait que cette nuit n'a pas été connue par certitude. Tout cela nous montre de la sagesse, que tous ceux qui ont innové des choses au compte, yani au sujet de cette nuit, tous les mérites aujourd'hui qu'on publie dans l'internet, pour donner que cette nuit a de la mérite, cette nuit mérite des adorations, tout cela c'est des choses qui sont infondées, car comme le disent les ulama, il n'y a aucun hasard qui est authentique qui vient nous montrer que c'est telle nuit qui fuit la nuit de l'ascension, à plus forte raison vient nous parler des mérites de cette nuit ou bien des adorations qu'on doit donner à cette nuit. C'est pourquoi mes frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, il dit qu'il n'y a aucune chose sur laquelle on puisse se fonder pour dire que c'est telle nuit qui fuit la nuit de l'ascension. C'est pourquoi il n'est pas légiféré pour les musulmans le fait de particulariser cette nuit. Cette nuit que eux, ils puissent penser comme étant la nuit de l'ascension, il ne les a pas permis de la particulariser, que ce soit par la prière, que ce soit par le fait de se réunir, ou que ce soit par les vikrs, ou que ce soit par quelle que soit la forme d'adoration par laquelle on puisse particulariser, yani cette nuit. C'est pourquoi mes frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, وليعلم أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التمسك بسنته فعلا فيما فعله وتركا فيما تركه فمن زاد عليها أو نقص منها فقد نقص حظه من المتابعة بذلك لكن الزيادة أعظم لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فريد سنة الله سبحانه وتعالى إنه زينكم بسفوة que la réalité du suivi du prophète alayhi salatu wassalam n'est autre que le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous on s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mise en application, dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en application, et on s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le délaissement, dans tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que ce mois avait de l'estime, il a trouvé que ce mois avait de la valeur, mais malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté de lui une particularisation de quelque soit, quelque forme d'adoration à ce mois de Rajab. C'est pourquoi si nous voulons réellement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète fait une œuvre, on la fait. Si le prophète délaisse, on délaisse. C'est pourquoi cela fait partie de ce qu'on appelle as-sunna at-tarkiyya, le fait de délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, le fait de particulariser ce mois de Rajab par des formes d'adoration. Que ce soit le fait de jeûner, que ce soit le fait de prier, ou que ce soit le fait de faire une fête, de faire une cérémonie concernant cette nuit, ou que ce soit la moitié de Rajab, ou que ce soit la nuit du 27e jour du mois de Rajab. C'est pourquoi c'est lui qui réduit ce qu'Allah Zawajalla, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il ne fait pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sans certains manquements dans son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce manquement est proportionnel à la chose qu'il a délaissée. Donc c'est, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une chose et que toi tu délaisses la chose, dans cela tu auras réduit ton suivi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est plus grave que cela, c'est si le prophète ne fait pas une chose, toi tu viens augmenter cela, ça c'est plus grave que si tu délaissais. Parce que quand tu délaisses ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, tu n'as pas innové, mais tu as fait un manquement dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tandis que si tu augmentes sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela le fait de dévancer Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de dévancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah Zawajalla nous a appelé l'ensemble des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit le fait de se mettre devant Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de dévancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Zawajalla nous a dit وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, yani craignez Allah Zawajalla. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui entend toutes choses et celui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi il nous incombe de savoir, mes frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa li'alam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lam yathbut anhu fi ahadithin kathira. Yani, il nous incombe de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثبت عنه في أحاديث كثيرة الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع. Il a été affirmé dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a incité à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a interdit, il nous a mis en garde de s'éloigner de ce qu'on appelle al-bida. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, il dit أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله, يعني je vous ordonne le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, والسمع والطاعة, et je vous ordonne aussi le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants, وإن كان عبدا حبشيا, même si ce dirigeant est un serviteur qui est perse, yani est un serviteur qui provient de ce qu'on appelle Habasha, yani qui est un serviteur qui provient de la zone de Habasha, yani qui est Éthiopie, فإنه كار, celui qui va vivre, من يعيش منكم, celui qui va vivre parmi vous, ma communauté, il nous a interdit de s'accrocher aux choses qui sont innovées. C'est pourquoi les ulama ils disent, ce qu'il incombe à tout musulman, c'est de réunir entre deux choses. Premièrement, il s'accroche à ce qui fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'éloigne à toute forme d'innovation, que cette innovation soit dans la parole, ou que cette innovation soit dans la croyance, ou que cette innovation soit dans les œuvres. Le croyant qui veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'éloigne à toute forme d'innovation. Et certes, il fait partie des innovations, le fait de particulariser le mois de Rajab par quelque soit, quelque type que soit de forme d'innovation. C'est pourquoi le musulman fi shahri Rajab, يعبد الله كما كان يعبده في بقية الأشهر ولا يخصص هذا الشهر بعبادة يعتقد فضلها فيصوم ويصلي في شهر رجب كما كان يفعل ذلك في بقية الأشهر وهكذا في عباداته كلها. C'est pourquoi il est un combo musulman Le musulman, par rapport à ce mois de Rajab, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a l'habitude d'adorer Allah Zawajalla dans l'ensemble des autres mois. Il ne particularise pas ce mois de Rajab par quelque forme que ce soit d'adoration, dans laquelle lui, il croit que cette adoration a de mérite dans le mois de Rajab, plus que dans d'autres mois que le mois de Rajab. C'est pourquoi le musulman, il gêne, il prie, il gêne et il prie comme il a l'habitude de prier et de gêner. Il gêne dans le mois de Rajab, comme il a l'habitude de gêner dans d'autres mois que le mois de Rajab. Et il prie dans le mois de Rajab, comme il a l'habitude de prier dans d'autres mois que le mois de Rajab. Comme il a l'habitude de faire dans l'ensemble des mois. Et ceci dans toutes ses adorations qu'il a l'habitude de faire, il n'augmente pas, il ne réduit pas en considérant que cette augmentation est une particularisation pour le mois de Rajab. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, هذا ما يسر الله لنا من أن نتذاكر فيما يتعلق بهذا الشهر وهو شهر رجب وهذا هو بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ندمنا الله عز وجل كي نذكر دولا رشيد إي سي إليا ديزيرور كالله سبحانه وتعالى نزافردون إي On incite tous les frères pour celui qui arrive à trouver des erreurs dans l'allocution qu'on a eu à faire de nous faire des rappels pour qu'on puisse s'en repentir. Wa adam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran wa barakallahu bil jami'. Amin. Amin, vous allez demander d'abord, Inch'Allah, si vous donnez au moins une question ou deux, et encore, on a juste peut-être que 18 minutes maintenant. Non, si c'est possible, Inch'Allah. Non, à la base, Frère Daoud, moi, je ne suis pas de la catégorie de ceux qui répondent les questions. Donc, même l'audit, yani. La question que j'ai eu à faire, donc il se peut que dans la communication, surtout dans le français, parce que j'ai pas eu tout le temps à me préparer concernant les termes en français, à la couling, ce qu'on espère, c'est juste de faire un rappel, et ce que j'ai eu à communiquer, c'est juste une jonction qu'on a pris de certaines paroles de certains de nos mashaykhs, Cheikh Abdelrazak, Cheikh Souleymane Rouhaili, et d'autres mashaykhs. C'est ce qu'on a voulu un peu faire le cumul, pour faire transmettre le message à nos frères, et leur faire comprendre que dans ce mois de Rajab, la sunna c'est d'adorer Allah comme tu as l'habitude de l'adorer, et la bid'a c'est le fait de particulariser ce mois par quelque forme, yani, quelle que soit la forme d'adoration, que ce soit par le jeûne ou la prière, ou toutes les formes d'adoration. Amin. Amin. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Vous étiez avec votre radio Al-Muntada Salafi. Tous ceux qui aimeront avoir ces audios pourront se rediriger vers notre chaîne Telegram Muntada Salafi. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de nous la rendre bénéfique. Fa jazakumullahu khayran.